au-dessus de nos rêves. L'amour et l'espoir se mélangent, une lueur éphémère et brève, si soudaine et si étrange, au-dessus de nos rêves. Le bonheur et le calme se vengent, un instant de silence et une trêve, au-dessus de nos rêves. Au-dessus de nos rêves, y'a l'espoir qui bat la haine. Aux élections, y'a pas une voix pour Le Pen. Tout au-dessus de nos rêves, y'a la femme qu'on aime. Dehors, la nuit, y'a pas tous nos gosses qui traînent. Une envie de vivre heureux qui dégage tous nos blasphèmes. Au-dessus de nos rêves, c'est l'histoire qui nous emmène. Loin des préjugés, de la peur et de l'insécurité. Au-dessus de nos rêves, l'être humain se tient par la main. Y'a pas que les restos du cœur qui distribuent du pain. Ce texte écrit dans les nuages, accompagné de mes pensées. Je m'envole pour mieux voir. Tout au-dessus de nos rêves, y'a aucun cœur qui fait une trêve. Et toutes les guerres font la grève. Personne ne nous empêche de vivre comme un roi. C'est comme ça là-haut. On avance tous, même toi et moi, tous nos rêves. Se termine mieux qu'Adam et Ève. J'ai la tête dans le ciel, tout au-dessus de nos rêves, de nos rêves. Au-dessus de nos rêves. Au-dessus de nos rêves, l'amour et l'espoir se mélangent, une lueur éphémère et brève, si soudaine et si étrange. Au-dessus de nos rêves, au-delà de nos âmes et nos êtres, le bien enfin s'élève, mais ça ne se passe que dans ma tête. Au-dessus de nos rêves, au-delà des frontières, derrière les miroirs et les vastes clairières. Après les temps, les contre-temps, les silences, tout se déroule sans aucune incidence. Un avant-goût d'irréel et de bien-être, similaire au décor onirique où les corps sont distants, du coup ça remet en cause l'existence. Mais je n'y oppose aucune résistance. Au-dessus de nos rêves, l'évidence, l'envie d'y rester encore est une évidence. Dans cette dimension, les âmes sont effluves, le calme est océan et le bonheur est un fleuve. Énergie pure, pensée instantanée, entourée de verdure. Du champ lexical au champ qui perdure. Mille années, lumière, l'amour au bord des lèvres. Au-dessus de nos rêves. Le calme se vend.